Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. C'est moi, Coin-Coin. Ah, connais pas. Le petit canard de Bagdad. Allô? C'est qui? C'est moi qui. Allô? Oui? C'est qui? Attends, vous m'appelez, vous me dites c'est qui? Ouais. Non, t'es pas appelé, non, t'as pas appelé. Ah bon? C'est ça. C'est qui? Nous, c'est les WEP. Le qui? Les WEP. Salam alaikum. Canard de Bagdad. Oui. C'est qui? Je te fous du monde ou quoi? Tu appelles chez moi, tu demandes qui c'est? Je te fous du monde ou quoi? Tu appelles chez moi, tu demandes qui c'est? On vous a pas appelé, nous. On vous a pas appelé, nous. Ah bah ouais. Pour ça, t'as des unités à gaspiller. Vas-y, continue. Hein. On vous a pas appelé. Le canard. Vous êtes avec quelqu'un là? Non. Mais vous êtes qui, vous? Canard de Bagdad. C'est quoi ça, canard de Bagdad? Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Oui. Attendez, je passe quelqu'un d'autre. Téléphone là-bas, une canard de Bagdad, t'as déjà entendu ça, Benna? Oui. Bonjour. Bonjour. Tu sais pas à qui t'as affaire? Non, je sais pas. Nous, c'est les WEP. Vous êtes malade, non? C'est ça, je suis malade. Allô? Oui. C'est qui? C'est pas moi, qui êtes-vous? Qui êtes-vous, vous, oui? Mais pourquoi vous demandez qui c'est vous? Vous voulez qui? Mais ça va pas ou quoi? Vous êtes malade, arrêtez-vous, hein? De quoi? Vous téléphonez chez moi, vous demandez qui? Vous voulez parler à qui? Mais ça va pas ou quoi? C'est vous, vous téléphonez chez moi? Vous êtes malade, vous. C'est qui? Pardon? C'est qui? Tu cherches qui? Comment? Tu cherches qui? C'est vous que vous téléphonez. C'est ça! Moi, je téléphone? Ouais! Eh oui, c'est vous qui téléphonez. Non, c'est pas moi, vous trompez de numéro, madame. Mais c'est pas nous qu'on téléphone, c'est vous qui téléphonez. Non, c'est pas moi, parce que mon téléphone est sorti. J'ai lâché une caisse. Vous êtes des cons ou quoi? Ouais! Espèce d'imbécile, là-bas. Morade. 22h. Sur Europe 2. Soir, je chante pour toi, pour vous tous. Et oui, ça faisait longtemps. C'était pas plus mal. Oh, t'avais perdu l'habitude de chanter. C'est pour ça que t'as les cheveux tout pelliculés. Prends du shampoing. Du Schwarzkopf et du Head & Shoulders. Mais c'est pas pas sale tes cheveux, ils sont simplement pourris. Tu devrais les laver avec du Domestos. Je suis morade. Je peux même te laver et te couper les veuches. Mes cheveux à vie. Oh là là. Eh ben dis donc. Ouah, écoute Sandy, je te l'ai dit, je changerai pas d'avis. Tu vas me retirer tes plaques que t'as sur le crâne. Chaque pellicule, c'est une véritable planche de surf. Alors Sandy, tu vas me laver ça. Écoute-moi. Avec Xavier, on t'aidera. Tu vas prendre du Vidal Sassoon, du Wash and Go. Je me les lave déjà. Je mets mes doigts bien dans mon crâne pour tout vous décaper jusqu'à la dernière pellicule. Je crois que tu confonds l'aigle, le cul et le crâne. C'est pas au bon endroit que tu mets tes doigts. Waouh, waouh, waouh, waouh. Sandy, écoute-moi. Je te jure, ton doigt, il sent pas bon. C'est pas ton crâne où t'avais. Toi aussi les doigts avec du shampoing. Ouais. T'arrangeras tout le monde. En plus, tu m'as serré la main. J'ai plus qu'à me les désintoxiquer. feu. J'ai inventé les préservatifs du surjour pour te faire la bise. J'ai peur de choper une MST. Merci à toute la France d'avoir été là avec nous. Revenez dès lundi 22h. Faites savoir ce qui se passe dans cette émission. Merci à Sandy. À Lolo. À Xavier. Et dans un instant, c'est Sébastien. Sébastien va passer la nuit avec toi. Il t'offrira une BX à 3h du matin. 3h20. Une AX Kawea. Et une Zin Camille à 6h. À 4h du matin. Bref, merci en tous les cas à vous tous d'être là. Merci de parler cette émission autour de vous.